ne pique plus et non pas une idée. Pas même un sentiment est dans un cœur de femme, élu par la pitié. Oui, vous m'avez trahi par votre indifférence, après avoir promis et ce fut charité, puisque ces mots sans enchaîner mon enfance, par vos soins d'été. Un tel jour de bonheur vaut une éternité. Je vous en dis merci, merci, merci, merci. Un tel jour de bonheur vaut une éternité. Je vous en dis merci, merci, merci, merci.